Radiomatique. ¿Me odia, madre? No. La Santa Inquisición juzgará tus pecados. Lo importante es que salves tu alma. No le he hecho mal a nadie. ¿Protestas por tu inocencia? No, madre. No soy inocente. El demonio que habita en mí no está dentro de esas definiciones. Para mí no existe el infierno, sino que yo soy el infierno. Que Dios no te haya oído. Subiré al cielo, hasta lo más alto, y edificaré mi trono junto a las estrellas. Seré semejante a Dios. No le serviré más, sino me rebelaré contra él. Thank you. La transmission 450 d'Audiomatique s'ouvrait sur la musique de la formation équatorienne La Cahier Morgue et sa pièce Utopia Tellurica apparaissant sur l'album Neferu et également disponible sur la compilation Festival Under Latino Americano Volume 1 produite par l'étiquette de disque Tumbas Eternas. Et maintenant, c'est au tour du groupe anglais Afro Celt Sound System d'assurer la continuité à Audiomatique. Thank you. Thank you. Audiomatic, c'était la formation britannique Susie and the Banshees, de qui on entendait la chanson I Promise, qui est tirée du simple pour la chanson Dazzle, qui, elle, se retrouve sur l'album Aina, paru en 1984. Précédemment à Susie and the Banshees, il s'agissait du compositeur américain Drew Newman et la pièce Phobia Suite, qui est extraite de l'album I Spy Ears Only Confidential et qui comprend des pièces tirées de la série d'animation Aeon Flux créée par l'artiste américano-coréen Peter Chung et qui a été diffusée de 1991 à 1995 sur le réseau MTV aux États-Unis. La pièce Phobia Suite de Drew Newman se retrouve dans l'épisode Thanatophobia, qui est le troisième épisode de la saison 3 de Aeon Flux. Cet épisode a été diffusé pour la première fois le 22 août 1995. Et en amorce de séquence, nous avions droit au groupe anglais Afro Celt Sound System et sa pièce Whirly Tree, qui a été ici remixé par trois des membres du groupe à l'époque, soit Simon Emerson, James McNally et Simon Massey. Cette version de la pièce Whirly Tree est parue sur l'album Pod d'Afro Celt Sound System qui a été lancé en 2004. Audiomatix poursuit maintenant sur la musique du Sonora Orchestra, dirigé par le saxophoniste Marshall Allen depuis le décès de Sonora en 1993. Nous allons entendre la pièce Night of the Living Sky. Thank you. Audiomatique, nous venons d'entendre la collaboration entre les artistes Laura Robles et Alejandra Luciana Cardenas, cette dernière produisant sous le pseudonyme de Aleop. Nous écoutions la pièce-titre de leur album conjoint intitulé Agua Dulce, paru en 2022. Avant cela, c'était le Sonora Orchestra et sa pièce Night of the Living Sky apparaissant sur le plus récent album Living Sky, paru en 2022. Notez que l'orchestre, aujourd'hui dirigé par le saxophoniste Marshall Allen du haut de ses 98 ans, se reproduira à Montréal dimanche le 18 juin avec 19 musiciens sur scène. Et ce sera le projet sonore de l'artiste belge Dirk Evans qui mettra un terme à cette transmission d'audiomatique grâce à sa pièce intitulée Tafouk, apparaissant sur l'album Vault Control, publié en 2003. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatique-cfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Alors voici, pour terminer, le projet sonore et la pièce Tafouk. C'était Audiomatique avec les sonoristes.